Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. À vous qui vivez depuis longtemps dans les concubinages, ça fait plus de 5 ans, vous êtes ensemble, vous allez à l'église, mais vous vivez dans les concubinages. Sachez que il y a des blocages dans votre vie parce que votre vie ne plaît pas à Dieu. Cette année, régularisez votre situation. Il faut abandonner cette histoire. Vous donnez des alibis, des arguments, il n'y a pas l'argent. Le Seigneur veut que vous puissiez fermer cette porte à Satan et vous allez voir la bénédiction divine, la gloire divine. Réveille-toi qui m'entends, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Apocalypse 3, 7 à 13. Lisons Apocalypse 3, 7 à 13, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Il y a 5 vérités que je voudrais partager avec vous. Voici la première vérité. Elle concerne la révélation de Jésus-Christ. Oui, dans ce passage, Jésus se présente comme étant le Saint, le véritable et celui qui a la clé de David. C'est important de comprendre ces choses-là. Il dit au verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint. » Ce titre, le Saint, veut dire qu'il est sans péché. Il est séparé du péché. C'est pourquoi toi qui m'entends, lorsque tu dis que tu sers le Seigneur et que tu pries Jésus, tu dois réaliser sa sainteté. Il ne faudrait pas que tu t'approches avec des péchés. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu pries avec des péchés, avec la colère, avec la haine, ça bloque la prière parce qu'il est le Saint. Deuxièmement, il dit, il est le véritable. C'est un titre qui montre que Jésus est le Dieu véritable en opposition à ceux qui sont des faux dieux. Vous voyez, il est le véritable. Ceux qui invoquent les idoles sont dans la fausseté parce que la Bible dit que les dieux de peuple ne sont que des idoles. Lui, il est le véritable, celui qui sauve, le Dieu vrai, le Dieu qui ne change pas, celui qui a créé toutes les choses. Troisième titre, on dit, il est celui qui a la clé de David. La clé de David nous rappelle l'intendant au temps de David. Il y avait un intendant qui avait la clé de la maison des trésors du roi. C'est-à-dire que sans cette clé, on ne pouvait pas entrer là où il y avait des trésors. Alors quand Jésus dit, il a la clé de David, avec cette clé, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, je vais dire à quelqu'un, celui qui a la clé de la vie éternelle, c'est Christ. Celui qui a la clé de tout ce dont tu as besoin. La clé du mariage, la clé de l'enfantement, la clé de la bénédiction matérielle financière, la clé de l'élévation, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un marabout, c'est celui qui a la clé. Donc tu dois t'approcher de lui. Deuxième vérité concerne l'église de Philadelphie. Voici une église qui était considérée comme une église modèle. D'abord, la première chose, on dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire que cette église produisait des bonnes œuvres. Il dit, tu as peu de puissance. Oui, lorsque nous avons Christ, lui-même, il est le tout-puissant. Mais il faudrait que nous lui donnions toute la place pour que sa puissance se manifeste en nous. Oui, je vais parler à quelqu'un. Le Seigneur te dit, tu as peu de puissance. Ça veut dire que tu dois encore te confier au Seigneur pour que la puissance de Dieu se manifeste pleinement en toi. Tu as peu de puissance, mais Dieu aimerait que sa puissance se manifeste pleinement en toi. Et troisième chose, tu as gardé ma parole. Vous voyez, Dieu aimerait que chacun de nous garde la parole de Dieu. C'est-à-dire mettre la parole en pratique. C'est-à-dire que ne pas se détourner de Dieu et retourner dans le monde. Garder la parole de Dieu. Surtout dans le contexte des tribulations, des épreuves. Nous devons garder la parole de Dieu. Et puis, il n'a pas renié mon nom. Il y a beaucoup de gens qui renient Jésus à cause des difficultés. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien, mon frère. À cause des difficultés, parce que tu es persécuté par tes amis au travail, par les membres de famille, ils te poussent à renier Jésus. Tu ne peux pas retourner dans le monde. C'est dur pour toi. Mais j'aimerais te dire que lorsque tu gardes la foi, tu ne renies pas le nom du Seigneur. Lui aussi va te récompenser. Il dit aussi, tu as gardé la parole de la persévérance. Verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est souvent dans les moments de tentation, c'est-à-dire des moments d'épreuve, où c'est là où nous devons manifester notre foi. Je vais parler à une dame. Ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans que tu attends l'enfant. Et l'enfant ne vient pas. Et les gens te disent, non, il ne faut plus espérer. Vous avez essayé de faire la fécondation in vitro. Vous avez essayé de toutes sortes de méthodes. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur qui a donné à Abraham et à Sarah, après 25 ans, il est capable de te toucher. Pose ta main maintenant. Pose ta main sur ton ventre. Oui, sur toi maintenant. Et crois que maintenant la main de Jésus te touche. Je dis, je déclare que tu reçois la visitation de Dieu. Je déclare que tu reçois maintenant. Tu reçois l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Ne perds pas la foi. Crois que le Seigneur te touche. Et commence à proclamer pour dire, Seigneur, je crois que tu me donnes. Tu me donnes quelque chose. Tu me donnes l'enfantement. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est cette persévérance qui fait que le Seigneur accomplit ses promesses. Troisième vérité, Dieu ouvre des portes. Vous voyez? Il dit ici au verset 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Je dis à quelqu'un, écoute-moi bien, ça fait longtemps que tu cherches le travail. Dieu te dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir la porte qui est déjà ouverte. Je vais parler à un jeune, écoute-moi bien. Ça fait longtemps que tu cherches un fiancé, une fiancée. Mais Dieu te dit, il a déjà ouvert la porte. Pourquoi tu cherches loin? Alors que la fiancée, le fiancé, il est déjà là, à côté de toi. C'est quelqu'un peut-être que tu méprises. Il dit, j'ai déjà mis devant toi une porte ouverte. Et il faut que tu entres dans cette porte-là. Est-ce que tu comprends? Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Les démons, les mystiques, les sorciers ne peuvent pas ouvrir lorsque Dieu a décidé d'ouvrir une porte. Je vais déclarer à une jeune fille, écoute-moi bien, la porte de ton voyage au Canada est déjà ouverte. Dieu a déjà ouvert cette porte. Ne te plains plus. Comment tout simplement à louer le Seigneur? On t'appellera dans les jours qui viennent et toi-même tu seras étonné. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ouvre, en même temps, il s'occupe de ceux qui cherchent à fermer la porte. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent des juifs qui ne le sont pas. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se disent, je suis frère en Christ, sœur en Christ. En réalité, quand il vient là, c'est pour te combattre, pour chercher à bloquer tes bénédictions. Il se dit, je suis homme de Dieu, prophète. Ce sont les gens-là qu'on appelle les gens de la synagogue de Satan. Ce sont ces gens-là qui viennent pour bloquer, pour épier les enfants de Dieu. On dit, Dieu dit, ces gens-là qui te combattaient pour te fermer les portes, il dit, ils viendront se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ceux-là qui t'ont bloqué pendant longtemps, qui ont bloqué ton mariage. Je vais parler à toi, ma sœur. Cette année, tu verras quelque chose que Dieu va faire. Ils seront dans la confusion parce qu'ils verront la manifestation de la gloire divine dans ta vie. Et ils feront comme les frères de Joseph. Ils sont venus se prosterner pour dire que nous sommes tes serviteurs. Tu vois là. Garde donc ce que Dieu t'a montré. Ça s'accomplira. parce que le temps de son accomplissement est arrivé. Quatrième vérité, nous devons retenir ce que Dieu nous donne. Il dit ici au verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Ce que Dieu nous donne, c'est quoi? Il nous donne d'abord la vie éternelle. Il nous donne sa présence. Il nous donne sa parole. Il nous donne les dons, les charismes, les talents. Il nous donne les ministères. Nous devons les retenir. Nous ne devons pas banaliser. Nous ne devons pas maîtriser. Dieu te dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne ravisse la couronne. Je vais parler à quelqu'un. Tu as fait ces derniers temps le songe que tu portais des bijoux. Et puis il y a quelqu'un, un voleur est venu pour voler tes bijoux. Vous voyez, les bijoux là symbolisent quelque chose de valeureux. Tu vois, que Dieu t'a donné. Ça peut être le ministère que Dieu t'a donné. Et que le diable cherche à voler, il cherche à étouffer. Ça peut être la gloire que Dieu t'a donnée. Retiens ce que tu as, afin que personne ne ravisse ta couronne. Est-ce que tu comprends cela? Le diable, c'est un voleur. Il vient pour voler, égorger, détruire. Mais il faut retenir. Ne lui permets pas de voler ce que Dieu t'a donné. Souvent, il profite lorsque nous vivons une vie de compromission, de péché. C'est là où il vient voler. Cinquième vérité, c'est la promesse au vainqueur. Dieu dit, c'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Vous voyez, les colonnes servaient à rendre visibles des temples. Les colonnes assurent la solidité. Quand Dieu fait de toi une colonne, c'est une façon de t'élever, de manière que tout le monde peut te voir au loin. Et sur cette colonne, on dit, il écrira le nom de son Dieu. C'est comme ça qu'on faisait dans les temps anciens. Les gens qui étaient considérés comme des vedettes, les gens qui étaient comme des héros, on mettait leur nom sur des colonnes. Ça veut dire, quand toi tu persévères, tu es vainqueur, le Seigneur va mettre ton nom sur les colonnes, afin que tout le monde puisse lire que celui-ci, il a marché dans la fidélité. Celle-là a marché dans la fidélité. C'est une façon de t'honorer, de te couronner. Je crée le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau, qui est celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Chantons pour le Seigneur qui nous donne toutes ses promesses. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Saint. Élève ta voix maintenant. Nous te bénissons, ô Éternel, notre Dieu, toi le Dieu trois fois saint, le Dieu véritable. Sois béni, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui nous a sauvés par Jésus. Nous t'élevons en ce moment, ô notre Dieu, notre Seigneur. Merci, Jésus, toi le Dieu trois fois saint qui a accepté d'habiter en nous. Nous t'élevons en ce moment. Toi, le Dieu qui nous purifie par ton sang, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi, le Dieu véritable et la vie éternelle, sois béni Jésus. Toi, le Dieu créateur de toutes choses, tout a été créé par toi et pour toi. Tu détiens la clé de toutes choses. Merci, ô notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Dieu par qui tout est oui et amen. Nous t'élevons en ce moment et nous te glorifions. Toi qui as préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, que l'honneur te revienne, toi seul, notre Seigneur, notre Dieu. Toi qui déploies jour après jour la puissance du Saint-Esprit en nous afin de nous sauver. Merci, toi qui nous réserves une couronne de gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, une émission de prière. Nous prions chaque 5 heures temps universel et ce moment de prière est rediffusé sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Le texte du jour, c'est Apocalypse 3, 7 à 13. Nous venons de voir des révélations du Seigneur. Il est le Saint. Le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Tu vas déclarer maintenant pour dire dans ta vie que les portes de l'emploi sont ouvertes et que personne ne peut fermer. Tu vas déclarer que les portes de la promotion, les portes de ton voyage, regroupement familial sont ouvertes. Les portes de ton mariage, les portes de ta guérison sont ouvertes et que personne ne peut fermer. Au nom de Jésus, proclame cela. Sur la brèche, la force dans la prière. Merci Père pour ta grâce que tu nous fais ce matin de nous retrouver encore dans ta présence. Quelle joie pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te bénissons, nous te magnifions. Seigneur, ce matin, nous déclarons, pendant que cette journée est ouverte, que les portes de l'enfantement nous sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Je proclame que les portes de la fécondité sont ouvertes dans la vie de ce couple au nom de Jésus-Christ. Je proclame que les portes de la guérison sont ouvertes, grandement ouvertes dans la vie de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Je proclame que les portes, oui, du travail, miracle, sont ouvertes au nom de Jésus. Je proclame l'ouverture des portes du visa. Je proclame la faveur de l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Je proclame la bénédiction de l'Éternel qui ne fait suivre d'aucun chagrin dans la vie de quelqu'un. Je proclame que quelqu'un est délivré. Je proclame la grâce financière. Je proclame un retournement de situation financière dans la vie de quelqu'un. La bénédiction financière. Je proclame que les activités de quelqu'un sont bénies. Je proclame que cette année, quelqu'un reçoit une bénédiction venant du ciel, venant de ses parents qui l'ont négligé. Merci Seigneur pour toutes les portes qui étaient fermées, qui s'ouvrent pour nous, afin que honneur, gloire et grandeur et puissance te soient rendus, toi qui es la source de toutes ces bénédictions. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oui. Nous venons de voir ici que nous devons garder la parole de la persévérance. Et nous ne devons pas renier le Seigneur. Ce dont nous avons besoin pour voir l'accomplissement des promesses divines, c'est la persévérance. Toi qui commences à te décourager, tu vas prier pour que Dieu t'aide, afin que tu persévères, que tu crois que le Seigneur est capable d'agir, quelle que soit ta situation. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nous te bénissons ce matin parce que nous croyons à la véracité de ta parole. Sans persévérance, nous ne sommes rien. Seigneur, nous avons vu la persévérance dans la foi d'Abraham, la persévérance de Anne dans la prière. Nous voulons que tu nous aides parce que tu as dit que ce sont les violents qui vont entrer dans la présence de Dieu. Fais-nous des persévérants, fais-nous des violents dans la foi. Fais de nous des hommes qui s'attachent à toi parce que les épreuves, les difficultés, notre Dieu sont nombreuses dans ce monde. Nous sommes tentés, nous sommes amenés à nous attacher à toi. Nous avons besoin de persévérance dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans les jeûnes, ô Seigneur, dans l'amour que nous devons avoir pour toi, à t'aimer de tout notre cœur, notre âme, notre esprit et de toute notre force, aimer notre prochain comme nous-mêmes, même dans les moments les plus difficiles. Mais donne-nous la persévérance dans l'amour, la persévérance dans la fidélité, la persévérance dans la crainte de Dieu. Seigneur, aide-nous, car c'est difficile. Pourtant, à cause de toi, à cause de ta parole, nous avons besoin également de toi. Aide-nous, accompagne-nous, soutiens-nous, fortifie-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que cette semaine, nous aurons notre dîner bonheur conjugal. Ce sera pour ce vendredi 29 janvier 2016, à partir de 18h30 à l'hôtel Bellecote. C'est ouvert aux mariés tout comme aux célibataires. Le marié paye 30 000 francs de couple et le célibataire ou le singleton paye 20 000 francs. Le thème, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Les tickets sont déjà en vente à la radio Fréquence Vie. Venez prendre votre ticket. Notre sœur Maïka Mukeba est déjà là. Elle va nous conduire dans un moment d'adoration. Elle va chanter des cantiques et pour la gloire de Dieu. Le samedi 30 janvier 2016, au CEPE, il y aura un moment spécial de louange et d'adoration. Une rencontre femme source d'eau vive, ouverte à tous. L'entrée est libre. Et là aussi, nous serons avec notre sœur Maïka Mukeba. Ce sera à partir de 15h jusqu'à 18h. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. À demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons.